Bonjour à tous et à tous. Merci de votre fidélité au 107 pour la chronique du jeudi matin sur RGM, que j'ai intitulé « Pauvres et précarisés ». Au débat sur la réforme des retraites devrait s'ajouter celui du recul des droits sociaux pour la grande majorité des salariés de notre pays, mais aussi de nombreux travailleurs européens. Un dossier de la chaîne Arte a traité, sur le fond, le recul du statut des salariés à travers de nombreux exemples à l'échelon national et international. La mondialisation qui s'est mise en place, tout doucement depuis les années 80, sur le fondement de doctrines néolibérales, s'est faite au détriment de toute une population qui s'est vue précarisée, appauvrie, alors que d'autres catégories sociales, pourtant minoritaires, prospéraient et s'accaparaient l'essentiel des richesses. Les classes sociales, dites moyennes ou intermédiaires, voyaient leur situation se dégrader, alors que les richesses produites, toujours aussi importantes, étaient aspirées vers le haut, c'est-à-dire pour conforter les hauts revenus. Comment en est-on arrivé là ? Pourquoi la mondialisation que l'on décrivait comme inéluctable et salutaire pour l'économie mondiale a-t-elle déraillé au point de créer des inégalités gigantesques et nuire aux populations de notre planète et à notre environnement ? Sachant que nous payons très cher une certaine prospérité économique, si tant est que cette prospérité économique est inégalement partagée. Fort est de constater que le nombre de travailleurs paupérisés a augmenté de façon exponentielle, surtout depuis le début de la crise financière de 2008. En cause, le chômage, mais aussi et surtout les politiques sociales développées par les gouvernements libéraux, même ceux qui ont pris, ou plutôt usurpé, une étiquette dite de gauche sociale. La crise, ce n'est pas la première, est une manifestation cyclique du capitalisme dans un univers gouverné par l'argent et le profit. Certes, de nombreux mouvements, ONG, associations comme ATTAC, n'ont pas manqué de mettre en garde contre cette mondialisation, source d'injustice et d'inégalité, système qui a aussi contribué à dévaster notre environnement. Certes, tout n'est pas négatif. L'agriculture moderne a permis de nourrir les habitants de notre planète et pourra nourrir les 9 milliards d'êtres humains qui peupleront la planète dans un proche avenir. Mais encore faudrait-il prendre les virages nécessaires pour éviter l'épuisement des sols, les pollutions engendrées par les pesticides et certaines activités humaines qui détruisent notre environnement et risque de faire disparaître l'espèce humaine dans un horizon pas si lointain que cela, si rien n'est fait pour lutter efficacement contre toutes les formes de pollution provoquées par la surproduction et la surconsommation dans des sociétés de plus en plus centralisées et de moins en moins démocratiques. Certes, l'espérance de vie, la durée de vie, est en hausse, mais nous devrons attendre toujours plus longtemps avant de pouvoir bénéficier d'une retraite décente? La question mérite d'être posée. Au mépris de l'emploi, y compris celui des jeunes, quoi que l'on dise, que certains disent, le fait de partir plus tard à la retraite ou d'être obligé d'avoir une activité complémentaire pour vivre décemment sa fin de vie est source de chômage et d'insécurité. C'est là que nous mesurons la régression engendrée par les politiques sociales qui ont été mises en œuvre depuis presque deux décennies. Politique sociale dans le cadre d'un néolibéralisme devenu la plupart du temps autoritaire, faisant la part belle à l'extrême droite, puisqu'il est responsable de la paupérisation des classes pauvres, mais aussi des classes moyennes inférieures qui constituent la majorité des populations des pays européens, mais pas seulement. Car enfin, soyons lucides, examinons de plus près tout ce qui a régressé depuis les réformes Macron, davantage que lors des précédents gouvernements, même si ceux-ci avaient amorcé les réformes régressives que Macron a mis en œuvre. La politique néolibérale de Macron a permis le transfert des richesses vers le haut, celle que je décrivais à l'instant. Et comment ? En faisant pression sur le coût global du travail. Pour cela, il fallait précariser l'emploi et favoriser l'insécurité du travail. Il est à noter que Macron a favorisé l'ubérisation du travail, c'est-à-dire l'accès à une forme de travail indépendant, mais surexploité du fait que les garanties du salariat ne sont plus appliquées. C'est encore Macron qui a été l'instigateur de la réforme du Code du travail, réforme 1, qui est de son inspiration, et 2, mise en œuvre à lui-même, en réduisant les droits des travailleurs, en favorisant les licenciements, en faisant siennes les revendications patronales. Un renversement de situation spectaculaire, puisque les salariés et les syndicats représentatifs doivent se déterminer par rapport aux exigences des employeurs et n'ont plus revendiqué des améliorations de leurs salaires et de leurs conditions de travail. C'est du moins la nouvelle conception qui tend à s'imposer dans les relations de travail. Le patron et les actionnaires redevenus tout-puissants qui imposent leurs lois dans l'entreprise, c'est-à-dire l'intérêt supérieur de celle-ci, même au détriment des salariés et de l'environnement. Le 21e siècle met à l'index l'État-providence dans la plupart des pays. Une belle revanche du capitalisme, pur et dur, et des théories ultralibérales. Tout doit être régulé par le marché, et seulement par le marché. La puissance publique doit se limiter à un rôle séculier d'exercer la justice, plutôt mal que bien, et le maintien de l'ordre, et aussi la défense du territoire, y compris contre l'ennemi intérieur, définition au large qui englobe tous les contestataires. D'où la répression actuelle. Même le social, même la santé doit être marchandisé. Tout du moins, leur coût doit être ramené à des proportions qui n'entravent pas les appétits capitalistes, sachant qu'à terme, les coûts engendrés par les privatisations retombent sur les plus vulnérables au profit des plus nantis et au détriment de l'accès aux services publics et aux soins. Vers la destruction lente de la sécurité sociale issue du Conseil de la Résistance. Un schéma de pensée et d'organisation sociale qui nous ramène tout droit avant la dernière guerre, voire à l'idéologie du XIXe siècle. On nous dit que l'Europe néolibérale est prête à évoluer vers plus de social, aiguillée par la crainte de la montée de l'extrême droite, qualifiée, à tort je pense, de populiste, car elle se sert du mécontentement du peuple et l'interprète à sa façon, mais n'écoute pas davantage le peuple que la droite conservatrice ou néolibérale. D'ailleurs, les précaires et les pauvres votent peu ou prou. Ils n'intéressent personne, sauf si on peut les récupérer ou bien s'il arrive à bloquer les ronds-points et à manifester en masse à Paris ou ailleurs. On fait alors semblant de les écouter, mais on prend surtout les moyens de les réprimer. Quand on vous dit que ce n'est pas la dictature, pas encore certes, c'est simplement le néolibéralisme autoritaire. La dictature, c'est « tais-toi ». La démocratie dans le néolibéralisme, c'est « cause toujours ». La morale de tout ceci, c'est « indignons-nous », même si notre indignation doit être ignorée par nos dirigeants. À terme, il en restera quelque chose. N'en doutons pas. Je vous laisse méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible et je vous donne rendez-vous jeudi prochain, si tout va bien.